Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en août 1968. On parle de 400 à 500 000 soldats. Certains observateurs parlent de 4 500 tanks, d'autres disent 7 000. Ce qu'on sait, c'est que le pays est totalement occupé en l'espace de 24 heures. Les images d'époque nous font voir, mais des colonnes et des colonnes entières de tanks, de camions militaires. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a dit aux soldats soviétiques, parce que ce sont principalement des soldats soviétiques qui participent à l'opération, et eux, ce sont des soldats, des jeunes soldats, à qui on a dit, vous allez libérer le peuple tchécoslovaque qui est menacé par une contre-révolution ourdie par des intérêts germano-américains. Et étant donné que beaucoup de Tchèques et de Slovaques parlent russe, bon, ces jeunes-là vont vers les soldats soviétiques et leur disent « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous nous envahissez, on ne vous a pas demandé. » Et les soldats russes disent « Mais non, nous venons vous libérer. » Le 26 avril 2018, l'historien André Champagne est à Aujourd'hui l'Histoire pour nous parler de ce célèbre printemps de Prague, ce moment historique où le peuple de Tchécoslovaquie s'est mis à rêver de ce qu'on a appelé à l'époque le socialisme à visage humain. Avec l'arrivée au pouvoir d'Alexander Dubček en janvier 1968, son programme de réforme libérale, réforme qui mettait entre autres fin à la censure, qui autorisait aussi la liberté de presse, tout semblait devenir possible. Mais l'espoir des Tchécoslovaques a brutalement pris fin dans la nuit du 20 au 21 août 1968, au moment où les troupes soviétiques sont entrées dans le pays. Renaud Mierois, l'animateur de Culture Club, était à Prague au moment de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie. On a pensé l'inviter à nous parler de ses souvenirs, des souvenirs qu'il en a gardés dans le cadre de notre série d'émissions spéciales où différents collègues de Radio-Canada viennent nous parler d'un sujet qu'ils connaissent bien ou d'un épisode de l'histoire qu'ils ont vécu. Renaud Mierois, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, on va parler évidemment de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu au mois d'août 68. Vous vous attendiez probablement pas du tout à ça quand vous partez pour Prague. Mais un petit mot quand même d'abord, René, sur l'époque. Vous avez quel âge? Vous en êtes où dans votre carrière? Et comment vous vivez cette année un peu folle, le printemps? Le printemps 68, mai 68 à Paris, les révoltes étudiantes un peu partout dans le monde, les manifs contre le Vietnam aux États-Unis. Vous vivez ça comment, vous, depuis Montréal? Bien, je vis ça avec beaucoup d'intérêt. C'est excitant. J'étais excité comme un pou devant tout ça parce qu'il y avait des mouvements qui semblaient se mener le monde vers quelque chose de plus intéressant. Et c'était, bon, avant que Montréal soit envahi par l'armée canadienne. Et je me suis rendu compte à ce moment-là quand c'est arrivé, quand les soldats canadiens sont arrivés à Montréal. En 70, à la crise d'octobre. Oui, c'est ça, mais tout de suite, deux ans après. Ouais. Et je me suis rendu compte que tout ça était un bluff. Enfin, c'était comme une blague par rapport à ce que j'avais vécu en Tchécoslovaquie, qui était très, très, très, très sérieux. Là, les tanks en Tchécoslovaquie, à Prague, on avait vraiment l'impression qu'ils auraient pu tirer sur nous, puis les soldats tiraient aussi, puis ce qui est arrivé d'ailleurs après que je me sois sauvé. Mais à Montréal, je percevais ça vraiment comme un bluff, peut-être parce que j'avais vécu une réalité beaucoup plus dure. Ouais. Vous en êtes où dans votre carrière, dans votre vie, quand ça arrive, tout ça? Puis comment, diable, vous retrouvez-vous à Prague en 68? Je dirige les pages spectacle d'un journal qui s'appelle Le Petit Journal. J'y fais beaucoup de chroniques de cinéma et on m'invite à aller assister à Rome à un tournage d'un film qui s'appelle The Secret of Santa Vittoria avec Anthony Quinn et Anna Magnani. Et c'est un appel auquel quelqu'un comme moi peut pas résister. Mmh. Surtout, en plus, aller à Rome, qui est une ville absolument extraordinaire, puis bon, que j'allais découvrir cette fois-là. Alors, j'y suis allé. Et rendu à Rome, ça a été, bon, vraiment formidable. J'ai passé une nuit avec Anna Magnani, qui est une grande, grande comédienne, vraiment formidable, italienne, très, très intense. Et parce qu'elle est très intense, elle déteste les Américains. Et dans le junket dans lequel je suis, là, c'est-à-dire le groupe de journalistes, ce sont tous des Américains qui ne parlent qu'anglais. Et moi, je sors comme le nez au milieu du visage, parce que, bon, je parle anglais, mais je parle français aussi. Ouais. Et la fille qui s'occupe des relations de presse explique à Anna Magnani, j'ai appris ça après, que moi, je ne suis pas un gros méchant américain, je suis un Québécois, un Canadien, puis un brave album. Et on a connecté tout de suite à cause de ça. Et j'ai passé donc la nuit à travailler avec elle, à la regarder travailler. C'est absolument fascinant, des tournages de films avec des bêtes de comédiens de cette nature-là. Et comme ça a beaucoup dépanné la production, qu'il y ait quelque chose qui se passe entre Anna Magnani et quelqu'un dans ce groupe, ça coûte très cher, ces gens qui étaient là. Lorsque je me suis rendu compte, pendant que j'étais à Rome, qu'ils avaient, eux, la même société, ils étaient en train de tourner un film à Prague, et que, bon, ça m'intéressait évidemment, cette révolution, ce printemps de Prague. Alors, j'ai joué de ma propre influence auprès de cette fille qui s'occupait de nous pour lui dire, j'ai pas dit en guise de récompense, mais enfin, j'ai beaucoup insisté pour pouvoir aller assister au tournage de ce film à Prague, dont je me fichais complètement, mais j'avais très, très envie d'être là. Et comme j'avais été un bon garçon, j'avais été fin avec Anna, donc on m'a permis de faire ça. Et avec un journaliste américain, un ami qui travaillait à San Francisco, on nous a permis d'y aller, on nous a payer l'avion, puis on est allé là. Et en fait, vous avez passé très, très peu de temps sur ce tournage en banlieue de Prague. C'était pas très intéressant. Pour tout de suite, vous retrouvez au cœur de l'action, là. C'est la fin de ce qu'on a appelé... donc, l'invasion soviétique est à nos portes. On ne le sait pas encore vraiment. Mais il y a encore, à Prague, à ce moment-là, une jeunesse qui rêve d'un monde meilleur, là. C'est là où vous arrivez, dans cette ville où les jeunes vraiment rêvent de ce socialisme à visage humain que leur promet Alexander Dubček. Oui, mais ce rêve-là, il est palpable dans les yeux des gens, mais dans leur attitude aussi. J'ai jamais été plongé dans un environnement effervescent de cette façon-là. Tout le monde était... je me suis beaucoup... Il y avait une fille qui s'occupait encore là des journalistes qui, par hasard, connaissait mon ami américain et qui parlait tchèque et qui nous a accompagnés pendant les 2-3 jours qu'on a passés avant que l'invasion se produise et qui nous amenait partout. On allait à chaque coin de rue à Prague, il y avait une petite table avec une petite chaise, puis un jeune assis là qui nous demandait de signer une pétition. Puis au début, je leur disais, mais non, je suis pas d'ici. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave, en tchèque, signer. Et on signait, évidemment, et tout ce temps-là, tout ce qui se passait, tout ce qui se disait, nous était traduit par notre ami qui était devenu notre guide. On est allé partout, je me souviens, l'image la plus précise, la plus folle, c'est dans des immenses tavernes absolument énormes, bourrées de jeunes qui buvaient tous de la bière à même des bocs, mais considérables. Et à tout moment, il y en a un qui sautait sur ses pieds, qui levait son boc, qui portait un toast à Dubček ou à je sais pas quoi. Et ils se mettaient tous à entonner des chansons que mon ami traduisait. Donc, j'étais pour vrai dans le cœur de cette action-là qui m'était, j'étais pas pragois ni rien, mais je participais, entre guillemets, avec eux à cette chose-là. Oui. Et ça, c'est un moment d'émotion que j'ai jamais oublié. Et qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là, ces jeunes remplis d'espoir? Qu'est-ce qui les fait? Qu'est-ce qui les anime? Vous parliez de Dubček, comment ils le perçoivent? Enfin, quel est l'état d'esprit? Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes que vous rencontrez dans ces immenses tavernes, René? Ben, ils disent que ce que tout le monde devinait, c'est que ils savent pas que ils se doutent que l'invasion se prépare, et pour eux, c'est vraiment comme leur tirer le tapis sous les pieds, parce qu'ils ont vraiment l'impression que le pays est en train de se diriger, puis c'était vrai d'ailleurs, vers une grande libération de toutes sortes de choses. Ils sont curieux, ils sont intéressants, ils sont intelligents. C'était vraiment des rencontres sur ce sujet-là, sur ce thème-là, et il y avait des détails que moi j'ai trouvé extrêmement amusants et que j'ai trouvé très malins. On s'en est rendu compte après, mais j'en avais entendu parler avant, pendant qu'on était là. Si les Russes envahissaient le pays, les jeunes voulaient absolument pas aller se battre contre les Russes, mais ils voulaient leur jouer des tours. Ils voulaient, par exemple, changer les affiches, les directions des routes pour aller dans telle ville, mettre un autre nom de village et whatever, afin que les Russes tournent en rond, ce qui s'est produit d'ailleurs après. Et quand on me le racontait, Je trouvais ça très drôle et très, très intelligent, mais je pensais jamais que ça arriverait. Et à mon grand étonnement, quand je suis revenu à Montréal, j'ai lu dans les journaux que c'est exactement ce qui s'était passé. Bon, ça a dégénéré après, puis c'est passé des choses plus tragiques, mais dans mon souvenir, quand j'étais là et quand ça se préparait, c'était une sorte de party, d'une certaine façon, qui a viré, qui a mal viré, puis qui a mal viré pour le pays, puis pour les gens, évidemment, qui ont été pris là-dedans. Oui, à partir que les jeunes souhaitaient continuer, que ça finisse pas, même si, puis je reviens à ce que vous disiez au tout début, là, quand on regardait tout ça d'ici, deux ans plus tard, quand la crise d'octobre éclate, puis qu'il y a des soldats dans nos rues, on se rend bien compte qu'il y a un fossé énorme entre ce que l'on vit à ce moment-là à Montréal et ce qu'ont vécu les Tchécoslovaques en 68. Mais ils ont vu neiger, ces gens-là, ils savent très bien ce qui s'est passé, entre autres, en 56 en Hongrie. Donc, ils se disent, pourvu que ça continue, mais si ça pète, comme on dit, on va essayer de faire de la résistance passive. C'est un petit peu ça l'idée, au fond. Oui. C'était complètement ça. Et moi, j'ai été très, très surpris quand je me suis levé un matin puis que devant l'hôtel où j'habitais, il y avait des tanks. Je n'étais pas très, très familier avec le tank. Puis des soldats en armes, puis je n'étais pas familier avec ça. Et on ne connaît pas l'histoire avant qu'elle se déroule et avant qu'elle s'écrive. Mais je croyais, moi, qu'à tout moment, les soldats pouvaient se mettre à tirer sur les gens autour. Oui. Eux étaient très agressifs. Et les jeunes tchèques, les jeunes pragois, étaient très, très, très libres. Ce qu'ils essayaient de dire aux arrivants, aux envahisseurs, ils leur disaient, parce que beaucoup, beaucoup parlaient russe, ils leur disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais. C'est ce que j'entendais tantôt. Mais tout ça, je l'ai vu, de mes yeux vu, des jeunes qui s'approchaient des tanks, qui n'étaient pas encore tout à fait menaçants, les soldats russes qui n'étaient pas encore tout à fait menaçants non plus. Et cette grande incompréhension, on avait raconté des mensonges aux uns qui essayaient d'expliquer en mentant, aux autres aussi, c'était extrêmement troublant et intéressant. Et pour qu'on comprenne bien ce que vous avez vécu, vous, parce que vous y étiez à Prague dans le 21 août, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit du 20 au 21 août, je vous propose d'entendre tout de suite le récit qu'en a fait une équipe de télé française à l'époque. 5 heures du matin. Bouleversé, un homme nous dit. Ils sont venus avec des soldats. Ils veulent tout tenir par la force. Ils veulent tout casser. Ils ont des tanks, ils ont des armes. Quand vous rentrerez en France, racontez cela aux camarades de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. 6h30. Arrivée des premiers renforts soviétiques au centre de la ville. Arrivée, selon l'agence soviétique TASS, sous les acclamations de la foule. Les gens sont consternés. On crie aux Russes, « Rentrez chez vous, vous êtes des nazis. » 7 heures du matin, première édition spéciale de Rude Pravo, organe officiel du Parti communiste tchèque, annonçant l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. C'est terrible, je ne comprends pas, je ne le comprends pas. Qu'est-ce que je pense? Que c'est trop. C'est tout que je peux dire. Les journaux, les tracts, la radio demandent à la population de garder son sang-froid, de ne pas céder à la provocation. Mais beaucoup ne peuvent retenir leur colère. On entend les cris de « Ruski domoy », « Russe, rentrez chez vous ». La radio, lorsqu'elle se taira, sera prise en relais par une série d'émetteurs clandestins. 7h30. Les premiers chars soviétiques investissent l'immeuble de la radio. Ils feront usage de leurs armes. Les chars continuent à défiler sur le boulevard Venceslas, en direction du musée. Pourquoi êtes-vous ici? La plupart des soldats ne s'attendaient pas à cette hostilité. Beaucoup ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans ce pays. Certains ignoraient même qu'ils étaient en Tchécoslovaquie. 10 heures du matin, les chars soviétiques vont essayer de briser les barrages dans les rues voisines de l'immeuble de la radio. D'heure en heure, Au fur et à mesure de la tension, les troupes soviétiques semblent perdre leur sang-froid. Les Russes tirent aux petits canons dans les barrages. Premier incendie, il est midi. Dans la bagarre, les Russes vont perdre deux chars. Pour détruire les chars, ici pas de cocktail Molotov, mais des coups de pioche dans les réservoirs d'essence à l'arrière du char, réservoirs d'essence particulièrement vulnérables, puis une allumette. L'après-midi est relativement plus calme, du moins près de la radio. La plupart des magasins ont été fermés ce jour-là, les ménagères ont stocké des provisions, il n'y a plus d'essence aux pompes. Mais c'est loin d'être la résignation. En quittant Prague avec un convoi de touristes, les gens nous acclamaient au passage, des femmes pleuraient, un homme, les mains jointes, nous suppliait de raconter ce que nous avions vu. Qu'est-ce que ça vous fait, René Aumirois? Vous étiez à Prague d'entendre tout ça. Ben ça me trouble parce que tous ces événements-là, moi, j'y ai pas assisté. Tout ce qui s'est passé autour de la radio, tous ces machins-là, moi, pendant ce temps-là, je faisais. Il y avait plus d'aéroport, mais il y avait un aéroport, mais il y avait plus d'avion, il y avait plus de départ. Et la seule façon de sauver notre peau, pensions-nous, c'était de partir et de partir en train. C'était le seul lien. Alors avec l'équipe de production du film, on faisait la queue. Devant la gare, et on se remplaçait, aux deux heures, je ne me souviens pas, pour finalement acheter des places pour pouvoir partir. Ça a été long, mais finalement, on a réussi à se trouver des places, et j'ai assisté à rien de ce que le journaliste racontait tantôt. J'en ai entendu parler par notre ami qui écoutait la radio. Mais comprenez-vous ce qui se passe à ce moment-là? C'est évidemment pour vous. Ben, oui. Ben oui, tout à fait. Et je suis, au-delà de ce que, du côté gentil, malin de mes amis qui me racontaient comment ils allaient faire se perdre les Russes dans la campagne, la réalité, c'est ça, là. C'est le bloc de l'Est, c'est une fissure dans le bloc soviétique qui s'est jamais produite avant, donc c'est pas évident que ça va se passer bien. Et comme ça commence à très, très mal se passer, on n'a qu'une envie. Et moi, je suis pas un journaliste de guerre. Vraiment pas du tout ça. J'ai juste envie de rentrer dans le plus meilleur pays au monde. Et finalement, on réussit à avoir des places puis à partir à bord d'un train. Vous avez même carrément peur pour votre sécurité, René, à ce moment-là? Oui. Oui, j'ai peur et je suis vraiment dans un environnement très hostile. Vous avez peut-être fréquenté, Jacques, des trains de cette période-là et de ces pays-là. On est très loin du tout confort, là. C'est lugubre, c'est inconfortable, laid, tout ce que vous voulez. Donc, on est comme prisonnier dans cet endroit-là qui est loin de mon environnement habituel. Et lorsqu'on quitte la gare de Prague, le train roule pas plus que, je sais pas moi, 10 minutes très, très, très lentement avant de s'arrêter. Pendant 10, 15 minutes, on sait pas pourquoi, personne nous dit rien, de repartir. Et ça a duré comme ça pendant, je sais pas moi, une heure et demie avant que finalement ça reparte et puis qu'on se rende à Munich, qui était notre destination. Et quand on est arrivé à la frontière ouest-allemande, le transfert de passer de ces horribles trains-là à un train entre guillemets humain, là, un train occidental, un train dont les banquettes sont rembourrées, des choses comme ça, ça m'a fait un bien infini. Ça a l'air léger et ça n'a pas l'air important, mais lorsqu'on sort de ce qui se passait derrière nous, puisque c'était maintenant derrière nous, et qu'on arrive là-dedans, on a vraiment l'impression qu'on vient d'être libéré, littéralement. Puis on l'a été aussi, d'une certaine façon, et les souvenirs qui m'en restent sont, justement, l'avant, qui était l'horrible train, et puis l'après, Munich et tout le reste, où c'était vraiment le bonheur, mais après avoir vécu tout ce que les autres avaient vécu avant. Ici Prague, Tchécoslovaquie. Vous entendez une émission en langue étrangère de Radio Prague Libre, diffusée sans interruption dans les bandes onde courte de 48 à 51 mai. Nous répétons dans les bandes ondes courtes de 48 à 51 mai. Ces émissions sont diffusées en français, anglais, allemand, italien, tchèque et russe. Elles donnent des informations objectives sur la situation en Tchécoslovaquie occupée. Malgré les obstacles qui s'accumulent, nous poursuivrons pour vous mettre à vos pages libres autant que nous pouvons. Ici, Prague libre. Tchécoslovaquie. La radio va jouer un rôle important dans les jours qui suivent l'invasion soviétique. En fait, pendant quelques jours, cette radio qu'on vient d'entendre, Radio Prague Libre, une radio clandestine, va émettre des messages dans différentes langues destinés à la communauté internationale pour dire au monde, voici ce qui se passe chez nous. Comment ça va se passer, vous, quand vous allez rentrer à Montréal? Est-ce que ces messages de Radio Prague Libre, vos amis les ont entendus, René Miroir? Oui, on a entendu, mais la chose la plus invraisemblable qui est arrivée là-dedans, c'est que quand je suis arrivé à Munich, j'ai téléphoné à mon rédacteur en chef du petit journal pour lui dire ce qui venait de se produire. Il savait bien que j'étais à Rome, mais il savait pas que j'étais allé à Prague. Il savait pas que j'avais assisté à tout ça. Et je lui ai proposé de Munich, de lui envoyer un texte pour raconter ça. Et il m'a répondu, non, c'est pas vraiment nécessaire. On a des dépêches d'agence, puis on est au courant de tout. Il y a pas de problème. Sauf que j'ai eu beaucoup de succès auprès de mes amis en leur racontant ce que je venais de vivre et qui les informait, mais qui les confortait dans l'impression qu'ils avaient de ce qui s'était passé. Mais là, ils avaient sous la main un témoin vivant qui avait vraiment vécu ça. Et comme j'aime beaucoup avoir un auditoire, j'en ai usé et abusé, je pense. Mais tout le monde a été très au courant de ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu et de comment j'avais ressenti à tout ça. Ouais. Je ne vais pas terminer cette émission sans vous ramener à ce qui va se passer en 1989, puisque vous étiez à Prague au moment où les chars soviétiques, c'est pas rien quand même, entre dans la ville. Comment vous allez vivre cette année 89 où le mur de Berlin tombe, où la révolution de velours finalement donne cette liberté aux Tchèques, aux Tchécoslovaques qu'ils souhaitaient tant depuis des décennies? J'ai été extraordinairement ému pour toutes sortes de raisons quand le mur de Berlin est tombé, bien sûr, comme tout le monde, mais je pensais beaucoup à ces jeunes, qui n'étaient pas des amis, mais d'une certaine façon, oui, ils étaient des amis, et qui, eux, voyaient très tard, mais quand même, leurs rêves se réaliser, les choses qui allaient devenir, dans le bloc de l'Est, plus normales, l'ouverture et tout ça, et il y en a qui sont morts en espérant que ça arriverait, il y en a d'autres qui avaient juste vieilli. Mais j'ai pas cessé de penser à eux à chaque fois que je voyais un reportage à la télé sur le mur de Berlin et ce qui se passait autour de ça. Mes pensées revenaient à Prague et à la Tchécoslovaquie et est-ce que j'y avais vécu, parce que ça a été long, mais ça a finalement tombé, cette affaire-là, et ça s'est comme réglé, entre guillemets, et les gens donc avec lesquels j'avais échangé pendant ces journées-là, ben, ont dû être infiniment soulagé de ça, et je pensais vraiment beaucoup à eux. René Miroir, animateur de Culture Club, ça a été un vrai bonheur de vous entendre nous raconter probablement, René, l'un des épisodes de votre vie qui reste le plus vif à votre mémoire. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et je suis très content d'avoir insisté, d'avoir séduit Anna Magnani pour pouvoir prendre l'avion pour Prague et d'avoir jeté le film qui était en train de tourner, de ne pas m'y être intéressé pour participer à ça. C'est un événement marquant. C'est peut-être l'événement le plus marquant dans ma vie. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, René Miroir. Merci. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.